on se perd. Une activité rend ouf. Galérer sac avec 2-3 compères. J'étais sur d'autres plans pour connaître trop de choses. Que cet environnement austère. Mort défoncé, ça braque, c'est passé. Je demande comment, ça reste un mystère. Tu prends goût, et voilà ta face placardée. Dans tous les commissariats comme un poster. Tu prends la peine de chercher, trouve et entends, car ça parle trop fort. Un beau matin, les kiss dead prouvent que ta tête, c'est loin d'être un château fort. Et c'est dur quand ça tombe dessus. Les murs se rapprochent, il faut bouffer des calendriers. Pour que tu comprennes, tu t'étais trompé d'issue. Et que tu raccroches, procureur te crie dessus. Avenue du maréchal, mon nourri, les bourses chient dessus. T'as dans les poches ce soir, t'apprécies Paris by night, c'est V-like, à quoi aspirer? Au pire taf de hier, j'ai fermé sa gueule et transpiré. Bergard c'est parvenu, footballeur millionnaire qui grâce parce qu'on trop prélevé. Pour combien demain c'est l'inconnu? Fille mère sans diplôme, avec un gosse à élever, y'a rien à comprendre. Même gavé ça parle encore, accroche-toi à ce que t'as et contracte car la rue travaille au corps. Rue c'est route boueuse, y'a pas de place pour nous tous. Comportez en bite furieuse, dans quelle impasse tu nous pousses? Quand on nous avale, on frère en cavale, la mort repousse. Les keufs en pare-balles, juge par mal, j'tourne pas les pouces. Rue c'est route boueuse, y'a pas de place pour nous tous. Comportez en bite furieuse, dans quelle impasse tu nous pousses? Quand on nous avale, on frère en cavale, la mort repousse. Les keufs en pare-balles, juge par mal, j'tourne pas les pouces. Fait divers malsains, nos mauvaises habitudes se perpétuent. On a miné notre propre terrain, y'a plus de bon chemin, c'est peine perdue. Peine perdue, peine perdue. J'ai pas le flow pudique, ici les pauvres, peu produit fric, contre-vue de flics, certes. Mais le fait que je communique n'est pas peine perdue, puisque les verts de l'originaire à terre, des uniques, moitié d'une paire, peu perverse, m'unique, parle ceux qui perpétuent le rite et s'arment. De peur que fan leur vécu, des études sont si peu férues, qu'ils crament sur le charme des études, m'acharne sur ce qui se trame, mais tu parais déçu, ce soit pas des élus. Parle de ces rues occultes. En effet, c'est la même pour nos scutes. Tous les gosses précoces crutent la nuit pour pas finir au stud. Ils sont plus estimés que les poucaves. Faut se méfier qu'un plouc bave à la vue d'un bout de save et des petits nas. Ignore que les mères de l'or, plus grave que dans les caves. C'est Stéphane, des orgies de basse. Le regard des plus morts n'est plus que des fortes crises. Mène fatalement à une mort triste, on s'accoutume. Par mégarde à ce qu'il y a de plus funeste. Par un coup, une taf, sexe, fume et le reste. A vu que les pestes molestent ceux qui connaissent que les vins que tu détestes. Et mettent la laisse à quiconque n'a pas vaincu les tests. On analyse l'hémoglobine sous de forme de flaque. Les keufs font des détours, peu dupes de ce qui n'étourent. De moins en moins de parcours passent par le bac. Et y'en a pas passé l'âge des paysages fait briquet de tour. Rue c'est route boueuse, c'est pas de place pour nous tous. Comportez en bite furieuse, dans quelle impasse tu nous pousses? On nous avale, on frère en cavale, la mort repousse. Les keufs en pare-balles, juge par mal, j'tourne pas les pouces. Rue c'est route boueuse, c'est pas de place pour nous tous. Comportez en bête furieuse, dans quelle impasse tu nous pousses? Mais on nous avale, on frère en cavale, la mort repousse. Les keufs en pare-balles, juge par mal, j'tourne pas les pouces. Fait divers malsains, nos mauvaises habitudes se perpétuent. On a miné notre propre terrain, y'a plus de bon chemin, c'est peine perdue.